Moi, c'est Rémi. L'année dernière, j'ai arrêté de fumer. C'était un vrai défi. Hein. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai réussi. Si j'ai tenu bon, c'est surtout grâce à Tabac Info Service. Au 3989, un tabacologue m'a accompagné par téléphone. Et c'est vrai que les conseils et le soutien d'un spécialiste de l'arrêt du tabac, bah, ça aide vraiment. Quoi. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagné. Alors vous aussi, appelez le 3989. Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Service gratuit plus prix de l'appel. Un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ce sont presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'exposent devant nous. Nous sommes face au rayon d'une librairie, le rose, le vert, le jaune, le rouge, le bleu, autant de bibliothèques qui proposent des titres fabuleux, le Club des Cinq et le Vieux, puis le Club des Cinq en vacances, ou encore toute la série des Oui Oui dans la bibliothèque rose pour les plus jeunes, et puis pour les plus grands, des classiques jusqu'aux aventures d'Indiana Jones dans la bibliothèque verte. Ah, il y a la bibliothèque jaune de la maison d'édition Dupuis, c'était dans la première moitié du XXe siècle avec du roman policier, et puis la bibliothèque rouge des éditions Les Moutons Électriques, aujourd'hui encore, voilà qui nous électrise. Et puis la bibliothèque bleue, évidemment. Cette bibliothèque bleue qui nous conduit plusieurs siècles en arrière, au plus près des colporteurs rose, vert, jaune, rouge, bleu, le roman noir aussi. Les livres sont les couleurs de toutes les étapes de notre vie. Toute la semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'histoire du livre, des tablettes d'argile et au papyrus antique, jusqu'au livre de poche aujourd'hui, des émissions à écouter, à podcaster pour la balade ou diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, le livre C'est dans la poche, où nous nous intéressons à l'histoire du livre de petit format. Avec vous, Marie-Dominique Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste du roman, de la littérature populaire. Vous avez publié un ouvrage intitulé « Des éditions succès populaires, les livrets de la bibliothèque bleue, 17e siècle, 19e siècle, présentation, anthologie, catalogue ». Eh bien écoutez, je vous demande juste, quelle est cette bibliothèque bleue? Pourquoi est-elle bleue? Pourquoi elle est bleue? Parce que, en fait, ces livrets étaient le plus souvent couverts en bleu. Ce n'était pas une particularité propre à ces livrets. En fait, c'était une couverture d'attente que l'on mettait souvent sur les ouvrages au XVIIe et au XVIIIe siècle en attendant qu'ils soient reliés. Mais en fait, comme ces livrets n'avaient pas vraiment de valeur, ils n'étaient jamais reliés et restaient couverts en bleu. Voilà, et on les retrouve aujourd'hui hein, chez les bouquinistes, chez les libraires de vieux parfois. Ouvrages. Parfois, on les retrouve. C'est vrai que ce ne sont pas les livres les plus prestigieux au sens où ils ne sont pas reliés de velin, de cuir, mais ils sont essentiels pour la culture populaire, cette culture qui vous intéresse aussi. Jean-Yves Mollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'édition, édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle, chez Fayard, Hachette, le géant aux ailes brisées, ah ben, ça s'est publié aux éditions de l'Atelier, et une autre histoire de l'édition française. Jean-Yves Mollier, il y a un aspect à évoquer toujours dès que nous parlons de l'histoire du livre. Bien sûr, le contenu est essentiel, la volonté de diffuser des savoirs explique pourquoi certains livres sont publiés. Mais il faut le dire, c'est une économie. Le livre, c'est du commerce, c'est de l'argent, il faut produire, il faut vendre à petit prix et chercher un public. C'est vraiment quelque chose qui draine l'histoire du livre. Oui, véritablement. On peut d'ailleurs faire démarrer cette sorte d'économie du livre avec l'encyclopédie de Diderot qui s'est vendue, les collections entre 30 et 50 volumes, à 24 000 collections. Ça veut dire qu'on a imprimé plus des centaines de milliers de volumes, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, pour les répandre dans le monde. On entre là dans un système où, en effet, on ne publie pas simplement un livre parce que son contenu intéresse le lecteur, mais parce qu'on veut vendre du papier, pour parler un peu vulgairement. Dans le cours de l'histoire, nous sommes intéressés à l'histoire des livres d'heures. Ces livres extrêmement prestigieux, le plus souvent illustrés avec des enluminures. Parfois, elles étaient un peu plus modestes, mais il y avait un prix à payer pour ces livres-là. Avec la bibliothèque bleue, nous sommes sur une approche complètement différente. Et cette bibliothèque bleue a une histoire qui est précise, qui est localisée, qui nous emmène dans la ville de Troyes, Marie-Dominique Leclerc. Alors oui, effectivement, on peut dire que la Bibliothèque Bleue est née à Troyes, mais en fait, ça n'était pas propre à la ville de Troyes. Il y avait déjà des précédents, c'était quelque chose qui était dans l'air. On avait des précédents à Lyon, à Paris, à Rouen, qui essayaient déjà de faire du livre un produit bon marché. La différence à Troyes, c'est que on a un petit peu systématisé le processus, en fait. Troyes, c'était une ville de tradition d'imprimeurs. On estime que le premier livre imprimé à Troyes l'a été par Jean le Rouge en 1483, c'était un bréviaire. Et c'était une ville importante au XVIe siècle. On avait 11 imprimeurs pour 32 000 habitants. Mais le site même était prédisposé à l'imprimerie, puisqu'on avait des moulins sur la Seine. Et puis, les moulins permettaient la fabrication de papier, évidemment. Et la Seine permettait un transport facile des marchandises vers Paris. Alors, au début du XVIIe siècle, crise. En 1695, on n'a plus que 18 000 habitants à Troyes. C'est la fin des guerres de religion, il n'y a plus de pamphlets à imprimer en faveur de la Ligue, donc moins de travail pour les imprimeurs, d'où la nécessité de trouver de nouveaux débouchés et l'idée de proposer des livres à bon marché. Et là, on intervient un homme qui s'appelle Nicolas Houdot et qui donc a eu l'idée, et c'était d'abord une astuce commerciale, il faut bien le reconnaître, de donner vie à des textes plus ou moins anciens, de trouver un nouveau public en vendant des livrets moins chers que les ouvrages habituels. Et pour ça, il abaisse les coûts de fabrication en réutilisant du matériel ancien, c'est-à-dire des bois gravés qui sont écrasés déjà, des caractères qui sont usés, mais aussi un papier grossier. Et surtout, il fallait travailler vite, d'où un travail souvent peu soigné à l'intérieur des livrets. Voilà, un travail peu soigné à l'intérieur de ces livrets de la Bibliothèque Bleue qui se diffusent dans toute la France, avec quand même des précisions à apporter par rapport au monde de l'édition que nous connaissons aujourd'hui, où il y a un imprimeur qui conçoit le livre, un éditeur qui conçoit le livre, un imprimeur qui l'imprime et puis un libraire qui le vend. Jean-Yves Mollier, dans ce début du XVIIe siècle, on se met en place la Bibliothèque Bleue. Nous ne sommes pas du tout dans cette conception-là. Nous avons évoqué cet imprimeur, Nicolas Houdot. On ne peut pas dire qu'il est éditeur. L'éditeur est quelqu'un qui apparaît beaucoup plus tardivement au XIXe siècle. Oui, l'éditeur est né avec le père de l'encyclopédie, le deuxième, au fond, éditeur de l'encyclopédie, Charles-Joseph Panckoucq, à la toute fin du XVIIIe siècle, mais c'est vraiment dans les années 1830-1850 qu'un système éditorial, au sens où nous l'entendons, se met en place. Qu'est-ce que ça veut dire un système éditorial? Un homme est la plaque tournante des métiers du livre, l'éditeur. Il sera de moins en moins imprimeur, de moins en moins libraire, mais dans les années 1830-1850, ses activités sont encore largement confondues. C'est lui qui devient, en quelque sorte, le chef d'orchestre de tout ce système qui consiste à mettre, au final, l'auteur en relation avec le public. Donc l'éditeur, c'est une création moderne qui se dégage de la figure du libraire de l'Ancien Régime, du libraire imprimeur ou du libraire marchand de livres. Comme Nicolas Houdot à Troyes qui met en place cette Bibliothèque Bleue. Marie-Dominique Leclerc, la Bibliothèque Bleue propose des petits ouvrages, des ouvrages accessibles. Donc il y a une vraie question de prix. Il y a aussi toujours pour l'ouvrage la question de la diffusion, parce que ce n'est pas tout d'imprimer un ouvrage, il faut le diffuser. Comment est diffusée cette Bibliothèque Bleue? Alors, plusieurs possibilités pour la diffusion. On parle souvent du colportage. Mais en fait, c'était loin d'être la seule diffusion et le colportage a varié suivant les époques. La diffusion se faisait d'abord à l'imprimerie même, pour commencer, et puis ensuite, elle se faisait par effectivement l'intermédiaire d'un colportage qui fut dans un premier temps citadin, avant d'être rural. Et ce colportage a eu une envergure absolument extraordinaire au XIXe siècle. C'était un colportage qui pouvait prendre des formes variées. Vous aviez d'une part un colportage individuel, mais aussi un colportage familial. Vous aviez par exemple des couples, en particulier dans les Vosges, les Chamagnons, ce que l'on appelait les chamagnons, qui partaient sur les routes pour vendre les livrets, mais souvent aussi en portant une lanterne magique pour faire des spectacles. Vous aviez aussi, en fait, c'était surtout une spécialité de gens de la montagne, parce qu'il fallait trouver un emploi saisonnier quand il n'y avait plus rien à faire au champ. Et là, c'était les Gascons, les Savoyards. Au XIXe siècle, ça devient complexe parce que souvent, ça se structure en brigades. C'est-à-dire que un libraire va distribuer un certain nombre de livrets et par une organisation pyramidale jusqu'au petit colporteur qui est évidemment celui qui gagnera le moins dans l'affaire. Allez-y. Le colportage nous est surtout connu par les illustrations, et ce dès le XVIe siècle, puisque vous avez les fameux cris de Paris qui montrent entre autres un colporteur de petits livres, et il crie « Beaux ABC, belles heures ». Et ensuite, on a toute une série de représentations, à la fois dans l'imagerie populaire, mais aussi dans l'imagerie plus savante. Ce colportage nous est aussi connu par la réglementation, avec des documents importants, surtout pour le XIXe siècle, les passeports de colporteurs. Et il est dit que sur ces passeports, normalement, le colporteur doit savoir lire et écrire pour pouvoir déjà signer son nom, mais aussi savoir ce qu'il vend. Ça n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des passeports où il y a une croix à la place de la signature, mais on manque en fait quand même terriblement de témoignages directs sur ce métier. Voilà, les colporteurs ne savent pas tous lire ni écrire. En revanche, ils savent parler et en parlant, ils peuvent attirer les clients. Je vous propose de rencontrer des colporteurs dans les archives de la radiodiffusion française. C'est sur France Culture. En 1971, quand Claude Métra, philosophe, producteur d'émissions d'ailleurs à France Culture, évoquait les colporteurs et écoutez, cette archive commence par une comédienne qui nous livre les cris des colporteurs. Mes chers frères, je parle comme Saint Paul, la bouche ouverte et pour tout le monde. Qui se sent morveux, se mouche. Ce que je vous en dis n'est pas ce que je vous en parle, mais comme un fou avise bien un sage, je vous dis votre fait et ne vais pas chercher midi à 14 heures. Quand on sait ce que vaut l'aune, on y met le prix, mais là-dessus les plus clairvoyants n'y voient goutte. La nuit, tous les chats sont gris, et quand on est mort, c'est pour longtemps. Pour retrouver ces sermons joyeux, ces propos légers, qui portent avec eux toute la sagesse des nations, il faut nous mettre à la recherche de ces errants, les colporteurs, qui, du XVIe au XIXe siècle, furent les médiateurs d'une culture sans rapport avec ce que nous avons l'habitude d'appeler ainsi, sans rapport avec la culture officielle, une culture qui représenterait au contraire la strate la plus obscure du peuple français. Ces colporteurs, ce furent d'abord des vendeurs de livres, des vendeurs d'images, des vendeurs d'almanachs ou d'affiches. Et ils ont été les premiers pourvoyeurs d'un savoir écrit dont aujourd'hui on peut dire que ce qu'on appelle les masses médias constitue la suite directe. Voilà, les masses médias qui sont héritiers des colporteurs. C'est Claude Métra qui évoque cette idée en 1971 sur France Culture en disant que les colporteurs sont des médiateurs. Jean-Yves Mollier, il faut rappeler que la manière de lire n'était pas exactement la même. Déjà parce que par le fait tout le monde n'a pas accès à la lecture, tout le monde ne sait pas lire. On ne lit pas aujourd'hui comme on lisait par le passé au 18e et au 19e siècle. Pour ces romans populaires, ces livres de petit format, ces livres de la Bibliothèque Bleue, de quelle manière étaient-ils lus? Alors, il y a plusieurs manières de lecture. Au XIXe siècle, on est quand même entré dans, très généralement, dans la lecture silencieuse, c'est-à-dire que chacun s'approprie le livre et le lit pour lui. Mais il y a encore des lectures collectives. On peut donc lire un livre le soir à la veillée, notamment dans les campagnes, bien que le tableau soit un peu idyllique et probablement en partie mythique. On peut aussi lire d'une autre manière, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas d'argent découpent dans le journal du mari le feuilleton. Le feuilleton qui va permettre, lorsqu'il le livre sera terminé, eh bien, de les coudre avec un point de surjet, un point assez grossier, ce qui fait que, au fond, les femmes sont capables, en ville ou à la campagne, de fabriquer des livres d'une certaine manière. Elles deviennent, en quelque sorte, un entrepreneur et elles s'échangent ces livrets, mais qui sont des livrets contenant des feuilletons. Il y a donc mille et une manières de lire, mais quand même, sachons qu'entre 1833 et 1880, le système de l'instruction universelle se met en place en France, et dès 1880, l'ensemble de la population française est alphabétisée. Oui, ça c'est un élément essentiel à rappeler, et puis cet attrait pour la lecture est quelque chose que nous trouvons depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, parce que si la bibliothèque bleue est mise en place au début du XVIIe siècle, c'est bien parce qu'il y a un public, il y a une clientèle, il y a le besoin de lire, mais que lire? Et ça, c'est une question qui nous interpelle aujourd'hui au temps des droits d'auteur, de la propriété morale d'un texte. Marie-Dominique Leclerc, dans la Bibliothèque Bleue, quel type de textes sont publiés? Alors, on a un fonds extrêmement varié. En fait, on a des ouvrages religieux en grande majorité, plus de 30%. Bon, je précise tout de suite que le fonds actuellement conservé ne correspond pas exactement sans doute à ce qui a été imprimé parce que beaucoup d'ouvrages ont disparu dans la mesure où c'était des ouvrages peu chers, on ne les conservait pas forcément. Donc beaucoup d'ouvrages religieux avec de l'édification religieuse, avec des vies de saints, des recueils de cantiques spirituels, des Noëls, etc. Et puis on a des romans. Alors, on cite habituellement les romans de chevalerie, mais vous aviez également des petits romans, des facéties, des contes, du théâtre, des chansons, tout ça pour la distraction des lecteurs. Et puis, vous aviez encore des ouvrages pratiques pour entretenir son cheval, pour aller herboriser, pour faire la cuisine, pour se soigner également. Vous aviez des satires dans le genre satire des sexes ou satire des métiers. Par exemple, satire des sexes et surtout, hélas, je le dis en tant que femme évidemment, malice des femmes, imperfection des femmes, etc. Des satires des métiers sous la forme des misères. Misère des domestiques, misère des boulangers, misère des chirurgiens, etc. Des pronostications, de la magie, par exemple miroir d'astrologie, bâtiment des recettes, certains venaient du petit Albert. Et tous ces ouvrages, en fait, n'apparaissent pas dès le début du XVIIe siècle. Le fonds se constitue petit à petit, il s'étoffe peu à peu, et le succès est surtout lié à l'habilité des imprimeurs troyens qui travaillent aussi pour Paris. Nicolas II Oudot, donc le fils du premier, fit même fortune en combinant un marché troyen et un marché parisien et en répondant aux commandes de ses confrères de Paris qui étaient parfois de simples libraires. Simples libraires qui distribuaient donc ces ouvrages de la Bibliothèque Bleue. Et Marie-Dominique Leclerc, vous avez évoqué ces satires. Ah bah oui, certaines sont terribles, hein, surtout quand elles sont genrées. Je vous propose l'extrait d'une de ces satires, l'imperfection des femmes. Ah bah voilà, vous en avez parlé. Donc paru vers 1780, mais en vérité c'est la reprise d'un ouvrage du siècle précédent de Jacques Olivier. Donc il se présentait comme docteur en droit. C'est l'alphabet de l'imperfection et malice des femmes, donc du début du XVIIe siècle. C'est une lecture par Daniel Königsberg. Femme, si ton esprit altier et volage pouvait connaître le sort de ta misère et la vanité de ta condition, tu fuirais la lumière du soleil, chercherais les ténèbres, entrerais dans les grottes et cavernes, maudirais ta fortune, regretterais ta jeunesse et aurais horreur de toi-même. Mais l'aveuglement extrême qui t'ôte cette connaissance fait que tu demeures dans le monde la plus imparfaite créature de l'univers, l'écume de la nature, la source des querelles, le jouet des insensés, le fléau de la sagesse, l'allumette du vice, une chimère multiforme, un plaisir dommageable, l'hameçon du diable, l'ennemi des anges, un abîme de bêtises, un gosier babillard, un hibou aux fenêtres, une pie à la porte, une chèvre en un jardin et une puanteur intolérable au lit. Un extrait de l'imperfection des femmes dans la Bibliothèque Bleue, lu par Daniel Königsberg, qui nous a bien précisé qu'il a dû faire un effort, mais il a un immense talent, donc c'est pas un souci, pour interpréter ce rôle à l'opposé de ce qu'il est. Jean-Yves Mollier, nous entendons là un extrait de la Bibliothèque Bleue, d'un des ouvrages de la Bibliothèque Bleue. Dans ce qui paraît dans la Bibliothèque Bleue, trouvons-nous le miroir de ce qui peut paraître en édition plus luxueuse, ou sommes-nous dans deux univers différents? Non, on est véritablement dans deux univers différents. Le public n'est pas le même et par conséquent la production ne peut pas être la même. Comme l'a dit Marie-Dominique Leclerc, la littérature bleue, donc celle qui est diffusée dans la bibliothèque bleue, elle recycle en quelque sorte des productions du passé de manière à pouvoir les rentabiliser. On fait feu de tout bois pour s'adresser à un public qui est faiblement alphabétisé, mais qui va l'être quand même de plus en plus et qui, au fond, se contente de peu. Alors, si on se met au pôle opposé, on a affaire à de tous autres lecteurs qui, eux, vont demander des beaux livres, des livres reliés. On est encore à une époque où l'éditeur fait imprimer le volume en feuille et c'est l'acheteur qui, en quelque sorte, va mettre la reliure. Mais il y a quand même des étapes, puisque avant d'arriver à l'époque de la culture de masse, vers 1860-1880, il y a eu l'étape du cabinet de lecture, qui est l'intermédiaire, au fond, entre la littérature bleue de colportage et ce que sera le livre de poche. Alors, le cabinet de lecture, c'est un système qui ressemble, au fond, à la bibliothèque de près d'aujourd'hui, sauf qu'il s'agit de commerce privé, puis qui permettent de lire pour très peu d'argent. On peut lire sur place, donc on vient, on s'installe, comme dans une bibliothèque aujourd'hui, mais contre un droit modique, on peut lire les journaux et également les livres. On peut aussi les emprunter, les emporter chez soi. Ce système qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle s'est considérablement développé dans la première moitié du XIXe siècle. Et il a permis de gagner de nouveaux lecteurs, car on est encore à une période où le livre coûte très cher. Et au fond, la révolution que va entraîner l'ancêtre du livre de poche, c'est-à-dire la collection, la bibliothèque Charpentier, pour lui donner son nom, qui apparaît en 1838, ça va être précisément de résoudre la question du prix du livre, qui était l'obstacle sur lequel tout le monde butait auparavant. Et cette fois-ci, il ne s'agira plus de recycler des productions que le public délaisse depuis un moment, mais il s'agira bien de donner la littérature du jour, Balzac, George Sand, aux lecteurs qui attendent, évidemment, de pouvoir lire dans des conditions convenables cette littérature. Jean-Yves Mollier, il y a aussi une réflexion à avoir sur l'histoire de ce livre de petit format. Nous évoquons la Bibliothèque Bleue, qui est le roman populaire. Il y a d'autres livres de petit format, mais ceux-là sont extrêmement luxueux. Ce sont toutes les bibliothèques de voyage. Les bibliothèques de voyage, là, nous avons des grands textes, du classique et des reliures extrêmement précieuses parfois. Oui, absolument. Mais si on veut s'intéresser aux livres de poche, c'est plutôt les bibliothèques des voyageurs. Ça n'est plus tout à fait la bibliothèque des voyages encore luxueuse, mais les bibliothèques des voyageurs bon marché, il s'agit de livres à lire en chemin de fer. Alors là, on est évidemment après 1845 et plutôt dans les années 1850-1860, où elles vont se multiplier en Angleterre, en Allemagne, en France. Les bibliothèques de voyage, effectivement, dans les années 1830, c'était des bibliothèques pour faire rêver. C'était donc, on s'adressait à un public qui commençait à découvrir les Alpes, qui commençait à découvrir l'Italie, qui commençait à découvrir les splendeurs du Rhin, songeons à Victor Hugo qui a écrit effectivement des promenades sur le Rhin. Donc c'était encore une littérature, ce sont des volumes de grand format, in octavo en général, et donc qui s'adressent à un public à la fois cultivé et aisé. On n'est pas encore, je le répète, dans la bibliothèque des voyageurs ou dans les bibliothèques de poche. La première apparaissant sous ce nom en 1846 chez l'éditeur Alexandre Paulin. Mais là, on est 8 ans après la mise sur le marché de la Bibliothèque Charpentier de 1838, qui est véritablement à l'initiative de ce que sera le livre de poche un siècle plus tard. Pour les ouvrages luxueux, nous imaginons bien qu'il est facile par l'ex-libris de retrouver le propriétaire. Parfois, les armes sont mises sur le plat du livre. Mais pour ces ouvrages de la Bibliothèque bleue, populaire, qui circule beaucoup, il est beaucoup plus difficile, j'imagine, de savoir quel est le lectorat. Marie-Dominique Leclerc, en tant qu'historienne, quelle démarche vous adoptez pour essayer d'identifier le lectorat de ces ouvrages de la Bibliothèque Bleue ? Alors, traditionnellement, on dit que le lectorat a évolué entre le XVIIe et le XIXe siècle, ce qui est logique avec la montée de l'alphabétisation. On pense d'abord à... Vous savez, il y a une expression qui est souvent employée pour la Bibliothèque Bleue, c'est de dire « elle était pour le plus grand nombre ». C'est commode. Mais quand on essaie d'affiner un peu, on peut penser qu'au XVIIe siècle, on avait surtout un lectorat citadin alphabétisé. Monsieur Mollier l'a rappelé, ceux qui savaient lire pouvant lire pour les autres, dans le cadre de l'atelier par exemple. La veillée n'est attestée qu'au XIXe siècle, tardivement, mais pas au XVIIe siècle. En fait, j'avais essayé, oui, ensuite, ce lectorat évolue, donc, je le disais, pour arriver au XIXe siècle, évidemment, un peu partout, y compris dans les campagnes. Alors, j'avais essayé d'affiner un petit peu ce lectorat en étudiant 1200 livrets pour voir s'ils portaient des marques d'appropriation. Et là, ça a été assez instructif parce que j'ai découvert effectivement des marques manuscrites de gens qui étaient très peu lettrés, avec des orthographes épouvantables. Il fallait vraiment décrypter en lisant à haute voix pour essayer de deviner ce qui était écrit. Et il y a eu quelquefois des professions qui étaient notées, telles que corroyeur, telles que jardinier, telles que couturière. Sinon, on a aussi des marques. En fait, les enfants laissaient plus volontiers des marques que les adultes parce qu'ils prenaient ça comme livre scolaire et ils essayaient leurs plumes dans les ouvrages. Donc, on a des choses assez amusantes. Et quant aux adultes, évidemment, ils apposaient leur nom, parce que parfois c'était le seul livre que l'on possédait. Donc il était important de le conserver. On apposait donc son nom, là encore avec une orthographe très aléatoire. Mais surtout, il y avait une formule qui revenait assez fréquemment, c'était celle de dire « Si vous trouvez ce livre, merci de me le rapporter, je vous donnerai à boire, ou bien... si vous ne rendez pas ce livre, vous irez au diable ou Dieu ne voudra pas de vous, quelque chose dans ce goût-là. » Voilà, ce sont les ouvrages de la Bibliothèque Bleue que vous avez cherché à identifier, en tout cas par ces petites traces laissées par les lecteurs. Ces ouvrages de la Bibliothèque Bleue qui nous aident à comprendre ce qui est le sujet aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, le livre de poche. Et donc nous réfléchissons aux ancêtres du livre de poche. Nous tombons sur les ouvrages de la Bibliothèque Bleue parce que le livre de poche apparaît dans les années 1950, donc après la Seconde Guerre mondiale, et dès lors, il est possible sans doute d'avoir accès au texte beaucoup plus facilement, et Jacques Dutronc peut chanter « J'ai tout lu, tout vu, tout bu ». De France Dimanche à Diderot, l'humanité, le veuve Picot, Lénine et le satiricon, Bossuet et la fine Napoléon, ici Paris, le flanc du métro, puis les pensées de Mao, le patin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout vu, tout lu. J'ai tout vu, tout su, tout lu. Platon, Karl Marx, les frères Goncourt, les tracts, la cassette de Saint-Flour, le potin et les frontispices, un petit coup de bon aux hospices, les tichestes et les sélections, les constellations, les macons, les trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu, tout vu. Je sais tout, surtout, j'ai tout. J'ai tout lu, tout vu, tout bu, Jacques Dutronc, la version yéyé de La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres de Mallarmé dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Jean-Yves Mollier, quand nous entendons Jacques Dutronc qui chante en 1967, j'ai tout lu, tout vu, tout bu. J'ai tout lu, le livre de poche existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années, en 1967. Diriez-vous que la mise en place du livre de poche dans les années 1950 est une véritable révolution ou alors c'est une accélération d'un mouvement continu? Nous avons parlé de la Bibliothèque Bleue qui connaît encore un grand succès au 19e siècle et puis toute cette volonté, vous nous en avez longuement parlé, de mettre en place pour un large public des romans accessibles, des ouvrages que l'on peut lire pour pas trop cher. C'est une révolution au sens où aujourd'hui, un quart, donc autour de 25% des livres qui sont produits chaque année, à peu près 500 millions pour simplifier de volume chaque année, un quart relève des collections de poche. Donc véritablement, le livre de poche a modifié le rapport des hommes au livre. On peut d'ailleurs, vous nous avez fait entendre Jacques Dutronc, j'aurais envie d'évoquer Ciao Pantin, un film que tout le monde connaît, dans lequel le héros, qui est une sorte de petit voyou de banlieue, Richard Anconina, dans sa chambre, a une collection complète de Que sais-je. On est là dans l'univers du livre de poche, la collection Que sais-je au PUF est apparue en 1942. Alors, si on veut refaire un peu l'histoire de ce livre de poche, en France, il apparaît au début du mois de février 1953, à la LGF, une filiale de la librairie Hachette. C'est le début, avec Vol de nuit, 70 000 exemplaires tirés immédiatement, avec Vol de nuit, Königsmark et un certain nombre d'autres titres. Là, on est véritablement avec le livre de poche. 20 ans plus tard, il sera relayé par la collection Folio, mais entre-temps, vous avez eu Pocket, vous avez eu J'ai lu, vous avez eu toute une série de collections qui vont véritablement populariser le livre de poche. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est un phénomène international. C'est-à-dire que c'est pas simplement la France. La collection Penguin est née en Grande-Bretagne en 1933, les paperbacks de Simon & Schuster aux États-Unis en 1939. J'y ajouterai les livres de poche de Feltrinelli en Italie en 47-48 et puis Marabout en 49 en Belgique. Et il y a là une chose amusante. Moi, je me suis amusé à regarder les couvertures de ces livres de poche. Alors, on vient de citer Allen Lane, les Penguin Books. Ils sont reconnaissables parce qu'il y a un pingouin sur la couverture. Alors, ce pingouin, il a une origine. Il imite lui-même un livre allemand des collections L'Albatros, où on voyait un oiseau, un albatros. Et puis, ils ont enfanté, si je puis dire, un petit kangourou qui apparaît sur un ancêtre du livre de poche apparu en 1945 à Paris. C'est les collections Le Livre de Poche de Pierre Trémoy. Et on retrouve ce même kangourou lecteur chez Feltrinelli en Italie. Donc vous, et puis, enfin, il y a le fameux marabout de la Belgique. Donc on a une sorte de bestiaire qui accompagne la révolution du livre de poche. Mais j'ajouterai deux chiffres. Le livre de poche dans la collection donc LGF en France en 1953, c'est 2 à 3 millions de volumes vendus. 10 ans plus tard, il s'en vendra 23 millions en une seule année. Donc on voit bien qu'il y a une véritable rupture au début des années 1960. Oui, avec des chiffres qui donnent évidemment le vertige. Hein, sommes sur des millions de ventes et un succès considérable. Et Jean-Yves Mollier, vous évoquiez justement l'illustration. Nous avons tous connu tous ces livres de poche avec des grands classiques, des tableaux, des illustrations en couverture, qui est quelque chose hein, qui est aussi partie prenante de cette révolution. Et pour faire un écho à la bibliothèque bleue qui date du XVIIe siècle et puis qui perdure jusque, enfin qui perdure non parce que c'est négatif, qui continue sa vie jusqu'au XIXe siècle, il y a aussi de l'illustration. Marie-Dominique Leclerc, ce sont ces bois gravés qui sont essentiels pour la bibliothèque bleue. Alors oui, effectivement, les bois gravés sont présents dès l'apparition de la bibliothèque bleue. Ils sont présents surtout dans les romans de chevalerie, mais pas uniquement. Ils sont relativement nombreux, mais ce sont des bois gravés de réemploi. Ces bois gravés, la plupart du temps, je suis d'ailleurs en train de préparer un ouvrage sur le sujet, la plupart du temps sont des bois rachetés à Paris et qui ont déjà eu une autre existence auparavant. Donc quand ils arrivent à Troyes, ce sont des bois qui sont fatigués déjà. Et ça donne une seconde vie à des bois de romans de chevalerie qui n'étaient pas forcément ceux pour lesquels ils vont être employés dans la bibliothèque bleue. Je vous donne un exemple. On trouve beaucoup de romans de bois gravés des romans des Amadis, par exemple. Il n'y a pas d'Amadis dans la bibliothèque bleue, mais ils vont être employés pour les romans de chevalerie de la geste carolingienne. Au fur et à mesure que le temps passe, malheureusement, ces bois gravés ont tendance à devenir de plus en plus rares parce que ça revient plus cher. Il faut davantage de papier, ça prend du temps. Donc, on va avoir tendance à les abandonner. Et au XIXe siècle, il n'y en a presque plus, sauf que Baudot, par exemple, mettra une couverture illustrée à ses livrets avec un bois gravé sur cette couverture, en première de couverture, sans doute pour vendre davantage. Les bois gravés sont abandonnés au XIXe siècle dans les livres de la Bibliothèque Bleue parce qu'ils font augmenter le prix du livre et que c'est un véritable commerce, une volonté de diffuser le livre le moins cher possible. Jean-Yves Mollier, cette révolution du livre de poche dans les années 1950, c'est de l'économie. Il y a toute une réflexion, comment produire un livre qui n'est pas trop cher. Oui, et cette économie, comme on l'a dit, elle s'est mise en place graduellement à partir de 1838. Donc je vais vous redonner les principales étapes. 1838, on voit apparaître la Bibliothèque Charpentier à 3,50 francs le livre. C'est une révolution, c'est 4 fois moins cher que le livre de l'année précédente. En 1846, Michel Lévy lance la collection des œuvres complètes d'Alexandre Dumas père à 2 francs, quelque chose comme 10 euros d'aujourd'hui. 1853-1855, on voit apparaître des collections à 1 franc le volume, c'est-à-dire 5 euros d'aujourd'hui, et c'est notamment le cas de la collection Michel Lévy à 1 franc, où paraît Madame Bovary de Flaubert en 1857. 30 ans plus tard, le mouvement va se continuer avec des tirages de plus en plus importants, avec la bibliothèque des auteurs célèbres chez Flammarion, et puis une étape très importante avec Fayard au début du XXe siècle, la collection Moderne Bibliothèque en 1904 à 0,95 francs et surtout le livre populaire à 0,65 francs et on arrive 1915 chez Talandier avec la première collection du livre de poche. Alors 50 ans plus tard, que se passe-t-il au fond? Pourquoi est-ce qu'on a créé le livre de poche en 1915 avec Talandier et pourquoi on a été obligé de le refaire vivre ou de le faire renaître en 1953? Tout simplement parce que la Première Guerre mondiale est venue interrompre un processus historique. La Première Guerre mondiale, elle a apporté l'inflation que les sociétés ne connaissaient pas. Et puis, elle a donc apporté l'impossibilité de vendre le livre, ou n'importe quel autre produit d'ailleurs, au même prix sur une longue durée. Donc il a été très difficile dans les années 30 de continuer à proposer des collections à un prix relativement modeste. Il y a eu des essais, je pense à la collection Pourpre de Calman Levy en association avec Hachette en 1938. Bon, la Deuxième Guerre mondiale vient interrompre de nouveau le processus et il faut attendre le début des années 50 pour voir véritablement cette consommation de masse devenir un phénomène universel ou quasi universel. Ça suppose donc à la fois des conditions de vie qui permettent d'acheter des livres, donc d'avoir des dépenses de loisirs. Ça suppose également une population complètement alphabétisée. Et j'y ajouterai une troisième condition, avoir de plus en plus de lycéens et d'étudiants. Et là, on est vraiment dans les années 1960-1970, parce qu'on ne l'a pas dit, le premier public des livres de poche, c'est véritablement le public scolaire des lycées et le public des étudiants. Ensuite, ça va se généraliser et atteindre toutes les catégories de la population. Je pense que tous les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire se disent effectivement, moi aussi j'ai gardé ma collection de livres de poche qui date du lycée. Mais alors étonnamment, le livre de poche ne fait pas l'unanimité. Un exemple avec une archive de l'ORTF de 1964, l'émission s'intitule « L'avenir est à vous ». Eh bien écoutez ce jeune lecteur qui revendique l'aristocratie du livre. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens, mais je suis persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs, et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, ce qu'ils n'avaient pas avant. Voilà notre héros du jour dans les archives de la radiodiffusion française en 1964. Jean-Yves Mollier, incroyable ce débat au cœur des années 1960 sur le livre de poche. Est-il bon pour la population ou est-il néfaste? Alors c'est un débat qui est lancé par la revue Le Mercure de France et Hubert Damisch qui combat violemment avec pratiquement le même mépris que ce jeune homme du 16e arrondissement que l'on vient d'entendre. Manifestement sa voix indique qu'il n'est pas né à Aubervilliers ou à la Courneuve mais plutôt du côté de Neuilly. Eh bien c'est Hubert Damisch qui est pourtant un grand philosophe, un philosophe de l'esthétique, philosophe de l'art, qui va lancer le débat. Il s'oppose à ce qu'il appelle la culture de poche. Jean-Paul Sartre, avec Les Temps modernes, s'interroge, lui. Il propose deux numéros de la revue Les Temps modernes, mais antérieurement, c'est une grande revue littéraire, Les Lettres françaises d'Aragon, qui a lancé le débat. Au fond, qu'est-ce qui ressort de ce débat des années 1964-1965 ? C'est qu'une partie du public lettré, du public cultivé, mais il faut associer un troisième terme, du public aisé, hésite à accepter les conséquences de la lecture pour tous. Cette lecture pour tous qu'avait anticipé Pierre Larousse, qui disait « J'écris pour ce lecteur qui s'appelle Tout le monde ». Mais vous l'avez entendu avec cette archive sonore, certains s'inquiètent. Mais c'est un vieux débat. L'Église catholique, dès le XVIIe et le XVIIIe siècle, a redouté les effets du cabinet de lecture. On le comparait à un tapis franc, donc à un café, à un bistrot dans lequel la population ouvrière serait venue s'encanailler. On avait peur du livre. Il y a eu, en 1850, le Parlement a voté un impôt sur les romans feuilletons, c'est-à-dire que tout journal qui publiait des romans feuilletons devait acquitter un droit de timbre. Bon, cet impôt a été aboli au bout de quelques mois. On voit bien qu'au fond, il y a toujours eu un débat. Est-ce qu'il est bon de lire ? Est-ce qu'il est bien que chacun puisse lire ? C'est un débat qu'on retrouve d'une autre manière dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, lorsque le père Sorel, au début du roman, aperçoit son fils Julien perché dans un arbre et l'injurie en le traitant de « chien de lisard ». On voit bien sourde cette inquiétude qui n'existe plus aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de ce que la psychanalyste Marie Bonafé avait anticipé en écrivant un livre intitulé « La lecture, c'est bon pour les bébés ». Et aujourd'hui, on met des livres dans les baignoires des enfants, des livres qui flottent. On voit bien qu'on est passé d'un univers où le livre était rare, où il était cher, où il était le symbole de l'univers des puissants, des dominants, à un univers où chacun, effectivement, peut se procurer pour peu d'argent des livres. Et puis justement, les auteurs eux-mêmes s'intéressent à ce phénomène qui les concerne. Hein, dans tout premier, et d'ailleurs, des grands auteurs comme Marcel Pagnol qui s'exprime sur le livre de poche. Eh bien, écoutez, c'est toujours en 1964, comme nous avons entendu ce lecteur aristocrate, l'année du débat autour du livre de poche. Le livre de poche est un phénomène social, n'est-ce pas ? C'est un fait social d'une importance capitale. Ce qui m'a étonné aussi, ce sont les tirages des grands classiques et des anciens classiques. La vie des 12 Césars de Suétone a tiré à plus de 100 000, ça je le savais. Et je pense que depuis sa naissance, Suétone n'avait jamais tiré à 100 000. C'est une importance capitale. C'est parce que, supposez qu'un ouvrier ait envie de lire Suétone, d'abord ça m'étonnerait parce qu'il ne le connaît pas. Même s'il le connaissait, que faut-il qu'il fasse ? Il faut qu'il aille chez des maisons spécialisées pour acheter un livre qui coûte en général assez cher. C'est-à-dire que là, il le voit chez un marchand de journaux. C'est ce qui vous explique ces tirages fabuleux. Et Rimbaud. On vient de me dire que Rimbaud a tiré à 120 000. Verlaine aussi a tiré à 120 000. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision. En 1964, devant les tirages des livres de poche, Marcel Pagnol s'étonne de ces tirages absolument gigantesques. Jean-Yves Mollier, il y a une transformation sociale qui accompagne ce livre de poche. Faire l'histoire du livre, c'est aussi faire l'histoire de la société. Et c'est en cela que, historien que vous êtes, spécialiste de l'édition, vous êtes dans l'histoire de l'ensemble du corps social. Oui, bien sûr, absolument. Le livre, au fond, c'est un biais pour essayer de comprendre l'évolution des sociétés. On part de l'Antiquité avec les tablettes d'argile, vous avez commencé par là vos émissions, et on arrive aujourd'hui au livre de poche. On voit donc se dérouler devant nous 4 ou 5 000 ans d'histoire avec, au fond, aux deux pôles. Au départ, peu de gens qui lisent, mais ils accumulent les livres chez eux, et à l'arrivée, la totalité de la population qui lit, aujourd'hui on lit même sur des supports électroniques, on lit sur son smartphone. Il y a eu donc des évolutions, et il y a même eu une révolution du livre de poche, on peut l'appeler ainsi, entre les années 1850 et 1950, qui ont permis au fond de faire en sorte que chacun puisse devenir l'égal de l'autre, du moins par la capacité à lire et à connaître les trésors de la lecture, à s'emparer de tous les savoirs du monde. C'est ça que donne la lecture. Il n'y a pas besoin d'être riche pour connaître autant de choses que son voisin. De ce point de vue-là, le livre est sans doute le produit le plus égalitaire qui soit, si l'on veut bien admettre que c'est par le livre qu'on se libère. C'est par le livre qu'on devient libre, et je joue là volontairement sur l'ambiguïté du terme libère en latin. Oui, avec ces constantes qui nous fascinent aussi, Marie-Dominique Leclerc, quand vous entendez Jean-Yves Mollier nous faire une très belle conclusion sur le livre. Vous sentez que dans le temps, on va retrouver sans cesse le livre de poche est critiqué comme les livres de la Bibliothèque Bleue étaient critiqués. L'économie reste similaire. Bien sûr, les contextes sont différents, mais il y a des constantes dans cette volonté de diffuser le livre. Oui, oui, effectivement. On s'est demandé dans quelle mesure la Bibliothèque Bleue pouvait être un instrument d'abrutissement des masses. C'était en particulier à l'époque de Robert Mandrou. Mais en fait, je crois qu'il n'y avait pas d'intention de ce type. Il y avait surtout une intention commerciale pour les imprimeurs. Il s'agissait pour eux de faire vivre leur presse. Alors évidemment, il y avait quand même deux freins, parce que certains imprimeurs étaient parallèlement imprimeurs pour l'évêque ou pour les collèges. Et puis, d'autre part, ils étaient sujets à surveillance, en particulier à partir du début du XVIIIe siècle. Il valait donc mieux pour eux rester dans la légalité et ne pas imprimer de livres prohibés. Mais si l'on considère les textes eux-mêmes, certains peuvent être considérés comme participant à cet abrutissement des lecteurs. Vous avez par exemple dans la Bibliothèque Bleue des prédictions, des explications, de songes, de l'astrologie, des almanachs. Oui, c'est vrai, mais était-il perçu vraiment comme tel à l'époque ? J'aimerais vous prendre l'exemple de l'almanach, parce que si l'on accepte le calendrier qui se trouve à l'intérieur, c'est un ramassis de superstitions, l'almanach. Or, il était acheté par presque tout le monde, et c'était souvent le seul livre qu'on avait à la maison. Et parmi les acheteurs, il y avait des personnes cultivées qui achetaient l'almanach. Je donnerai l'exemple de Guenaud de Montbéliard, qui a secondé Buffon pour l'histoire des oiseaux. Il a acheté des almanachs troyens pour, en fait, comparer les prévisions météorologiques qui se trouvaient à l'intérieur de l'almanach avec ses propres relevés au quotidien. Donc, chacun choisissait ses lectures, soit via la boutique, soit via le colporteur. Et au XIXe siècle, Baudot a un petit peu rationalisé tout ça, en mettant les titres en quatrième de couverture de ces livrets. Mais connaître les motivations des lecteurs aujourd'hui, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat de connaître la motivation des lecteurs pour la Bibliothèque Bleue et aujourd'hui pour les lecteurs actuels. C'est le souci de tous les éditeurs et des auteurs également. En tout cas, moi je retiens vraiment ce que vous avez dit, Jean-Yves Mollier, pour conclure cette semaine consacrée à l'histoire du livre, le livre libère. Donc merci vivement à vous, Jean-Yves Mollier, et merci beaucoup à vous également, Marie-Dominique Leclerc. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'histoire, les événements sont comme les trains. Un événement peut en cacher un autre. C'était il y a aujourd'hui 30 ans. 34 chefs d'État assistaient à la signature du traité de désarmement Est-Ouest à Paris, qui mettait fin à une séquence historique de plus de 40 ans, celle de la guerre froide. L'événement est un peu terne et n'annonce pas dans son titre la portée de cette bonne nouvelle, masquée par un tout autre événement d'une portée symbolique inégalable 2 ans plus tôt, avec ses foules en liesse, ses reprises pop et ses morceaux dispersés aux quatre coins du monde, la chute du mur de Berlin. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Et oui, si la disparition de ces kilomètres de béton incarne un changement d'ère historique, en fait ce sont les négociations avec l'Union soviétique qui vont achever la bipolarité mondiale. En 1990, c'est l'avenir de l'Union soviétique qui se joue et la place que l'Occident s'apprête à lui accorder s'annonce déterminante dans le règlement d'un conflit que l'on souhaite pieusement clore, sans vainqueur ni vaincu, avec l'objectif de ne pas repartir du mauvais pied. Il ne s'agira donc pas d'un traité de Versailles, mais d'une déclaration commune de ne plus agiter la menace de destruction mutuelle comme seul moyen d'assurer la stabilité de la paix mondiale. George Bush, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, tous les leaders des grandes puissances occidentales sont donc présents à Paris pour s'assurer que l'ancien ennemi, représenté par Mikhail Gorbatchev, ne soit pas marginalisé, finir de l'amadouer pour s'assurer que le feu est éteint une bonne fois pour toutes. Co płakały we dnie w nocy, De grandes ambitions pour un nouvel ordre mondial et un échec cuisant qui laisse ses relations rêvées détrempées dans un bain d'amertume. L'histoire des années suivantes, c'est une série d'occasions manquées et de vexations historiques. Avec une trahison mémorable qui fait toujours débat, la promesse bafouée quelques années plus tard par Bill Clinton de ne pas élargir l'OTAN aux anciens pays satellites soviétiques. Une promesse sans archives, faite par le secrétaire d'État américain James Baker aux manettes de ces négociations, qui se passe dans une concorde inespérée mais inattendue. Une parenthèse enchantée, vite refermée. La liquidation de la guerre froide se passait sans vainqueur ni vaincu, trop beau pour durer. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et la nouvelle Russie traverse une crise économique et morale suivie d'une recomposition nationaliste qui cultive la rancœur alors que les États-Unis peinent à trouver un nouveau projet de société différent de l'Union contre le bloc de l'Est qui avait temporairement fait taire les divisions du récit patriotique. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie font leur entrée dans l'Alliance atlantique en 1999. Une adhésion qui achève l'idéal de concorde internationale qui avait gouverné les lendemains de la chute du rideau de fer. Merci Anaïs Kien. Le journal de l'histoire se retrouve sur le site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Diudes, Marion Dupont, Odile Jouessel, Valentine Lovrins. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter ou à podcaster pour la balado-diffusion sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à visiter bien justement le site du cours de l'histoire sur franceculture.fr et le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire pour commenter ces émissions. Demain, aux notions difficiles, celle de nation. Qu'est-ce qu'une nation avec Pascal Auric?